Podcast. Non, je sais pas, ça se bloque tout d'un coup. Ça coupe, ça arrête pas de s'entrecouper. Donc, tout il y a tout qui coupe, donc j'ai plus de son et ouais, ça va, ça vient. Ça. Et puis, chanson qu'on t'a chanté, t'as pas entendu du coup. C'est casse-pied. Ça me saoule. Attends, je vais essayer de la repasser. Ouais, non, mais ça le fait, ça coupe, ça sert à rien que je déconnecte, que je me remette, ça me le fait toutes les 5-10 minutes. Après, ça reste. Je peux rester une heure connectée sans souci, puis après, ça recommence. Parce que ça coupe mon son, mais ça coupe le vôtre aussi, donc je peux même plus jouer avec vous. Mais c'est mon PC, je pense qu'il y a la carte son qui a un problème, il y a la carte graphique qui déconne. J'attends que ces couillons m'envoient le papier pour renvoyer le PC en réparation. Et ça fait 3 semaines, je les ai appelés 3 fois, je sais pas ce qu'ils foutent. Parce qu'il est sous garantie et ça devrait être pris en charge. Parce qu'il est tout chaud, j'ai acheté un ventilateur pour mettre en dessous, mais c'est tout chaud quoi. Pas intérêt à ouvrir 3 trucs en même temps. Tu vois, j'ai tenu là pendant un moment, une bonne heure, j'étais là, tranquille. pourtant j'ai le ventilo en dessous, mais je me demande si les ventilos ils sont assez. Ouais, il faut qu'ils changent tout. Il y a même une touche qui est partie, il a même pas un an. L'autre, il faudrait que je remette l'autre, mais il faudrait que je le vide parce que quand je l'allume, il me dit il faudrait supprimer des fichiers parce que il vous reste moins de 3%. Ouais, il faudrait que je vide tout, que je le reboote complet, mais j'ai tellement de fautes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you.